Section 40. Des histoires générales du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Chapitre 8. Deuxième partie. La Révolution communale, suite, par Arthur Giry et André Réville. Insurrection communale, Laon, Sens, Cambrai. Les cas d'insurrection communale ne furent pas rares au XIIe siècle. Augustin Thierry, qui leur a consacré des récits dramatiques, aimait à se représenter de vigoureux artisans, armés de leurs maillets, de leurs haches, de leurs outils de travail, luttant avec avantage contre les puissants seigneurs, dans le dédale de rues étroites et tortueuses. Nous venons de voir ce qu'il faut penser de la part prise par les gens de métier à cette révolution. Mais il est certain qu'il y eut, dans l'histoire de ces soulèvements, des journées tragiques. Entre toutes, on citera toujours la sédition de Laon. Cette place était un coupe-gorge au commencement du XIIe siècle. Les nobles se jetaient sur les bourgeois, la nuit, même en plein jour, et les rançonnaient. Les bourgeois s'emparaient des paysans qui venaient au marché et les emprisonnaient dans leurs maisons. Enfin, les évêques imposaient aux habitants des tailles arbitraires et faisaient condamner les malheureux, incapables d'y satisfaire. Le nouveau prélat, nommé en 1106, était un Normand belliqueux et grand chasseur, qui aimait surtout à parler de combats, de chiens et de faucons. Il faisait torturer par un esclave noir ceux qui lui déplaisaient. Comme il était en Angleterre, les habitants de Laon se concertèrent, adoptèrent un plan de commune et, moyennant finances, le firent agréer des clercs et des chevaliers, qui gouvernaient en son absence. 1106. À son retour, l'évêque se montra fort irrité, mais gagné par une forte somme d'argent, il confirma la concession. Enfin, le roi lui-même, séduit par la promesse d'une rente annuelle, la ratifia à son tour. L'or des bourgeois avait fait merveille, mais le prélat, qui dépensait largement, ne tarda pas à regretter le temps où ses exactions n'étaient pas limitées. Pour s'assurer l'appui de Louis VI, il lui promet 700 livres. En vertu de son autorité pontificale, il le délie et se délie lui-même des serments qu'ils ont tous deux prêtés. Et il annule la charte de commune, 1112. Les habitants sont consternés. Les boutiques et les auberges restent closes. L'agitation est portée à son comble à la nouvelle que l'évêque, pour payer l'aide promise au roi, exigera de chaque bourgeois la même somme qu'il a donnée pour l'œuvre d'affranchissement. La rumeur gronde et 40 des plus audacieux jurent sur leur vie de tuer leur seigneur et ses complices. On avertit le prélat en toute hâte. « Fi donc, répondit-il, moi mourir sous les coups de tels gens. » Déjà, plusieurs hôtels appartenant à des nobles sont attaqués et pillés, mais l'évêque ne perd rien de sa hautaine confiance. « Que voulez-vous, dit-il, que ces gens-là fassent avec leurs émeutes ? Si Jean, mon nègre, saisissait par le nez le plus redoutable de ces bourgeois, il n'oserait même pas faire un grognement. » Ce qu'ils appelaient hier leur commune, je les ai obligés à y renoncer, au moins tant que je vivrai. Le lendemain, un cri retentit à travers la ville. Commune, commune. C'est le signal du soulèvement. Des bandes s'emparent de l'église, massacrent les nobles qui viennent au secours du Seigneur, assiègent le palais épiscopal et y pénètrent par la force. Elle fouille les appartements, et finissent par découvrir l'évêque, travesti en domestique, blotti au fond du cellier dans un tonneau. « Y a-t-il quelqu'un ?» crie l'un des forcenés en assénant un grand coup de bâton. « C'est un malheureux prisonnier, » répond l'infortuné en tremblant. « On le reconnaît. On le traîne par les cheveux dans la rue. Enfin, deux coups de hache l'achèvent. Son cadavre même n'est pas respecté. On lui coupe un doigt pour s'emparer de l'anneau épiscopal. On lui jette des pierres. On le souille de boue. Les grands sont insultés, frappés. Les bourgeois s'acharnent contre les nobles dames, les dépouillent de leurs riches vêtements. Les hôtels sont incendiés, tout un quartier est en flammes. Le roi marcha sur la ville. Les principaux coupables s'enfuirent. Les nobles se vengèrent cruellement de leurs souffrances, massacrant dans les rues et même dans les églises les habitants qui n'avaient pu s'évader, pillant eux aussi les maisons de leurs ennemis, enlevant tout, jusqu'aux meubles et aux ferrures des portes. Louis VI rétablit l'ordre dans la ville, mais 16 ans après, en 1128, son successeur, craignant une seconde explosion des haines populaires, consentit à lui octroyer une nouvelle commune, qui reçut, il est vrai, le nom moins offensif d'établissement de paix, Institutio Pacis. Il serait aisé de multiplier les exemples. Le Mans, Amiens, Beauvais, Gand luttèrent pour leur affranchissement. À Lille, les officiers du comte de Flandre, Charles le Bon, veulent arrêter un homme libre qu'ils prétendent serf. Les habitants se soulèvent, chassent leur seigneur et ses gens. Les citoyens de Reims obtiennent en 1130 une charte de commune, mais l'archevêque, en 1160, entreprend de la réduire. Aussitôt, une sédition éclate. Le roi soutient le prélat. L'émeute grossit. L'abbé de Vézelay institue, entre 1103 et 1106, un impôt sur les maisons du bourg. Les habitants se soulèvent et le tuent. À Sens, en 1146, les manants forment entre eux une association et avec l'agrément de Louis VII, ils adoptent la charte de liberté de Soissons. Mais le clergé, et spécialement les religieux de Saint-Pierre-le-Vif, voient leur juridiction détruite et jettent l'alarme. L'abbé de Saint-Pierre, Herbert, expose ses doléances au pape Eugène III, de passage en France, et sur la requête du Saint-Père, le roi dissout la commune. À peine l'abbé est-il de retour que les bourgeois s'assemblent, enfoncent les portes du monastère et massacrent le prélat et son neveu. Aussitôt la ville est enlevée par les troupes royales. Auteurs et complices de l'attentat sont saisis. Les uns sont exécutés sans forme de procès. D'autres, qu'on fait monter au sommet de la tour Saint-Pierre, sont contraints de se précipiter dans le vide. On emmène le reste à Paris et on le condamne à mort. Quant à la commune, elle ne fut rétablie que plus tard. À Cambrai, la lutte entre l'évêque et ses sujets se distingua par des actes de sauvagerie. Les habitants s'étant conjurés en l'absence de leur seigneur, ils recrutent en Allemagne et en Flandre une armée de mercenaires, rentrent paisiblement dans sa cité tremblante. Puis, à l'improviste, ils livrent la ville à ses soldats, qui massacrent les habitants sur les places, dans les rues, jusque dans les églises, et torturant leurs prisonniers, leur coupent les pieds ou les mains, leur crèvent les yeux, les marquent au front d'un fer rouge. Une autre émeute, ayant éclaté, le prélat s'empare d'un bourgeois, et comme celui-ci refuse de lui dénoncer les conspirateurs, il le fait battre de verges, lui fait arracher la langue, crever les yeux, et ordonne qu'on l'achève à coups d'épée. L'insurrection, on le voit, ne menait pas toujours au succès. il y eut de ces communautés qui ne se lassèrent pas et qui, toujours vaincues, ne cessèrent de se réorganiser. Les habitants de Cambrai luttaient depuis plus d'un siècle, quand en 1073, ils organisèrent une commune. Peu après, elle fut détruite par le comte de Mons. Ils la rétablirent en 1107. Cette fois, ce fut l'empereur qui l'anéantit. Tenace, autant que leurs ennemis, ils la reconstituèrent en 1127. À Vézelay, de 1103 à 1250, il n'éclata pas moins de 5 insurrections, et presque toujours, elles furent impitoyablement comprimées. Enfin, l'exemple caractéristique entre tous est celui du bourg de Châteauneuf, près de Tours. 12 fois, du 12e au 14e siècle, il se souleva contre son seigneur, l'abbé de Saint-Martin, et 12 fois, il fut vaincu. En revanche, d'autres communautés furent si complètement défaites à la suite d'un premier effort qu'elles n'osèrent plus revendiquer le droit de commune. Telle fut Orléans, ville royale, qui se donna une charte en 1137. Louis VII y courut, et comme la démence de quelques fous s'ingéniait contre la majesté royale, il l'écrasa audacieusement, non sans nuire à quelques-uns. Orléans garda de cette épreuve un si profond souvenir que jamais plus elle ne recommença. Ainsi, victorieuses ou terrassées, nombre de communautés cherchèrent l'affranchissement dans la révolte. Mais il faudrait se garder de généraliser la théorie de la commune insurrectionnelle. Ce fut l'erreur d'Augustin Thierry et des historiens de son école. Ils voyaient l'émancipation des villes au Moyen-Âge à travers les révolutions du XIXe siècle, ne concevaient l'affranchissement que par l'émeute, et comme ils trouvèrent dans les documents anciens d'assez nombreux exemples de nature à confirmer cette idée, il déclarait que pendant longtemps, l'état de commune, dans tout son développement, ne s'obtint guère qu'à force ouverte et en obligeant la puissance publique à capituler, malgré elle. Lettre sur l'histoire de France. 13e. La vérité est au contraire que la guerre fut un simple accident, somme toute, dans l'évolution des villes, et que la plupart obtinrent sans lutte armée des privilèges. Autre mode d'émancipation. Souvent, voyant leurs seigneurs engagés en des guerres, elles réservèrent leurs concours, posèrent leurs conditions dans les deux camps, mirent leur alliance aux enchères, soutinrent le plus offrant, et à travers ces hostilités, firent passer leur affranchissement. C'est ainsi que Neufchâteau s'érigea en commune en 1231, alors que le duc de Lorraine, Mathieu, était en lutte avec Thibault, comte de Champagne, et reçut de ce dernier aide et secours contre son seigneur. De leur côté, les féodaux n'hésitaient pas, quand ils avaient besoin du concours des villes, à leur octroyer des privilèges. Et quand plusieurs prétendants se disputaient un fief, il y avait parfois entre eux assaut de générosité. C'est ce qui arriva en Flandre, en 1127 à 1128. Guillaume Cliton, petit-fils du conquérant, épousa en 1126 Jeanne de Savoie, sœur de la reine de France, et reçut l'investiture du comté de Flandre. Désireux de se faire bien accueillir, il accorde à peine arrivé des garanties aux gens de Lille, Gand, Bruges, Ardenbourg, Béthune, Thérouanne, Saint-Omer, 1127. Mais il a un rival, Thierry d'Alsace, qui l'attaque et use des mêmes armes, concède des privilèges à Arras, Thérouanne, Bruges, Saint-Omer, Lille, Aire. Certaines de ces villes, on le voit, recevaient des deux mains. C'est surtout à coups de livres et de deniers que les villes s'assurèrent l'indépendance. Les seigneurs étaient besogneux ou prodigues, toujours à court d'argent. Voulaient-ils partir pour la Terre Sainte, fonder un monastère, entreprendre une expédition, payer leur rançon? Ils faisaient appel à la complaisance de leurs sujets, qui ne déliaient les cordons de la bourse qu'en retour d'un parchemin. La plupart des chartes de communes furent probablement l'objet d'un achat, quand bien même cette clause mercantile, peu flatteuse pour l'orgueil seigneurial, y était rarement spécifiée. Louis VI vendit à la ville d'Amiens un acte d'affranchissement, la charte du Lyonnois, concédée en 1174, fut annulée à la suite de conflits avec l'évêque de Laon. Mais les habitants la rachetèrent, s'engageant à payer au souverain toute une série de redevances. Plus tard, ils obtinrent la transformation de ces charges en une somme unique, une fois soldée, 1196. En 1216 ou 1217, exemple singulier entre tous, les bourgeois d'Auxerre obtinrent de leur comte qu'il leur loua sa ville pour 6 années, à condition de lui fournir un cens annuel de 2000 livres de provins. Le traité de paix conclu avec le seigneur n'était le plus souvent qu'une trêve, et les villes ne laissaient échapper aucune occasion de s'assurer de nouvelles franchises. C'est encore par l'argent que se justifiaient ces perpétuels empiétements. En 1186, Philippe Auguste concéda de nouveaux privilèges aux habitants de Compiègne, émancipés depuis 1153. La commune de Beauvais, qui s'était constituée avant 1099, se développa de 1175 à 1217, sous le pontificat de Philippe de Dreux, prélat batailleur, toujours engagé en des guerres lointaines, et qui avait sans cesse besoin de subsides. Saint-Omer, qui s'était affranchi dès 1127, achète au comte Thierry d'Alsace son hôtel de ville en 1151, des droits aux foires de Lille, de Messine et d'Ypres en 1157. En 1209, le sénéchal du Châtelain vend aux habitants un pré situé non loin des murs, et en 1275, il leur remet des droits de banalité qu'il avait conservés sur certains territoires de la commune, en échange de 160 livres parisis. « Pour ma grande nécessité, disait-il humblement, qu'au neutre et à perte. » En Angleterre, enfin, les bourgs ne conquirent pas leur fameuse liberté municipale. Ils les acquirent et peu à peu les étendirent, à prix d'argent. Une charte relative à la communauté de Leicester nous en fournit un exemple naïf, peut-être légendaire, mais intéressant, parce qu'il est au moins l'expression symbolique de la vérité. Les bourgeois se plaignaient qu'on les soumît en justice à l'épreuve du duel judiciaire et désiraient y substituer une autre procédure, celle de la compurgation, ou preuve testimoniale fournie par les voisins et les proches. Il arriva, dit le document en question, que 2 parents, Nicolas, fils d'Acon, et Geoffrey, fils de Nicolas, se battirent en duel à propos d'une pièce de terre que tous 2 convoitaient. Le duel dura depuis la 1ère heure jusqu'à la 9e à chance égale. L'un d'eux, en reculant, monta sur la margelle d'un petit puits et allait y choir, quand son adversaire lui dit « Prends garde, tu vas tomber ». À ces mots, les assistants poussent des clameurs si fortes que le comte, intrigué, en demande l'objet. On lui narre l'affaire, le duel, la générosité de l'un des adversaires, et les bourgeois, émus de compassion, lui offrirent une rente annuelle de 3 pence pour chaque maison, ayant pignon sur la grande rue. s'il consent à supprimer le duel judiciaire et à confier à 24 jurés le soin de discuter toutes leurs causes et de les juger. Ainsi fut fait. Certains seigneurs, loin de combattre les prétentions des villes, les favorisèrent par intérêt autant que par bonté d'âme. Dans leur fief, les bourgs n'eurent aucune lutte à supporter, aucun sacrifice d'argent à consentir. Tels furent les comtes de Ponthieu, et spécialement Guillaume III, qui au début du XIIIe siècle octroya spontanément des chartes de communes aux Crotois, à Doullens, à Hergny, à Rue, à Saint-Josse-sur-Mer, où il agit en dépit de l'abbaye, qui partageait avec lui la seigneurie de ce lieu. De même, Jeanne de Constantinople, qui fut comtesse de Flandre de 1211 à 1244, se montra très libérale pour ses villes. Elle distribua de tous côtés les privilèges à Bruges, Courtrai, Dam, Dunkerque, Éclos, Furnes, Gand, Middelbourg, Mude, Valenciennes. Certains centres, enfin, n'eurent même pas à solliciter des libertés et se les virent imposer par leurs seigneurs. Ce furent les communautés de France qui relevaient du roi d'Angleterre. Entre 1169 et 1179, Henri II conféra à Rouen et à La Rochelle la fameuse constitution municipale, connue sous le nom des établissements de Rouen, et le même statut fut successivement étendu aux villes de Normandie, à Saintes, Angoulême, Poitiers, Cognac, Saint-Jean d'Angély, Bordeaux, Bayonne, aux îles de Ré et d'Oléron. Liberté soigneusement limitée, dont les souverains anglais n'avaient rien à craindre, et qui semblait destinée à leur assurer la sympathie et l'alliance de ces populations urbaines. Les villes du Saint-Empire. Dans cette œuvre commune d'affranchissement, la destinée des villes du Saint-Empire fut toute spéciale. Au lieu de conquérir des libertés d'un coup, grâce à une victoire ou à quelque adroite manœuvre, et de les étendre petit à petit, en épiant chaque circonstance favorable, comme le firent les autres communautés, elles eurent à franchir deux étapes nettement séparés, pour arriver à l'indépendance. Au XIIe siècle, de même que toutes les collectivités urbaines, elles s'efforcèrent de s'émanciper. Mais l'empereur, de qui elles relevaient directement, depuis qu'il les avait élevées à l'immédiateté, les tenait sous sa main puissante et ne consentit à leur accorder que des libertés civiles. Quant à l'autonomie, à la souveraineté, chaque fois qu'elles voulurent y atteindre, il la leur refusa. En 1161, Barberousse soumet les bourgeois de Trèves qui se sont conjurés contre leur archevêque. En 1163, apprenant que les habitants de Mayence ont tué leur seigneur, il accourt, saccage la cité et rase les remparts. Ainsi, au XIIe siècle, les villes n'obtiennent que des libertés de première nécessité, des garanties contre l'arbitraire seigneurial, d'indépendance politique, point. Mais au milieu du XIIIe siècle, la dynastie de Souabe s'éteint. L'Allemagne féodale jouit des faveurs d'un interrègne prolongé. Les villes, n'ayant plus devant elles que des souverains locaux, exercent leurs revendications. Et après une lutte mêlée de succès et de revers, beaucoup d'entre elles triomphent. Metz, qui jouissait depuis le XIIe siècle de certaines libertés, atteint alors la plénitude de l'indépendance. Strasbourg obtient une administration municipale distincte de l'administration épiscopale. Besançon se forme en commune et en 1190 fait sanctionner son affranchissement par le nouvel empereur Rodolphe. Le deuxième stade est franchi, 100 ans après le premier, et c'est alors que se constituent les fameuses villes libres du Saint-Empire. Ainsi, L'Europe entière présente le même spectacle du XIe au XIIIe siècle. Les communautés urbaines, si humbles auparavant, si profondément silencieuses qu'on ne sait presque rien d'elles, se développent, élèvent la voix, tentent toutes au même but, l'émancipation. Et partout, malgré la diversité des régions, des époques, des circonstances, des obstacles ou des appuis, elles l'atteignent ou s'en approchent plus ou moins. C'est un courant universel qui les entraîne toutes. Commune rurale. Cette tendance fut si générale qu'elle se propagea même dans les campagnes et que de simples villages obtinrent soit de l'octroi bénévole de leurs seigneurs, soit même par insurrection, des chartes de liberté. Il s'en est conservé un bon nombre, comme celle d'Arc en Flandre, de Bruyères en Picardie, et selon toute vraisemblance, un plus grand nombre encore n'est pas parvenu jusqu'à nous. Il y eut des communes rurales dans tous les pays de France, et l'on s'étonne de constater que tel modeste village de 200 ou 300 habitants, et dont la population n'a jamais dû être beaucoup plus considérable, a joui de ce titre au XIIe et au XIIIe siècle. Souvent aussi, des localités trop faibles pour s'organiser à elles seules, se réunir, se fédérèrent et formèrent ainsi une sorte de commune collective. Il y en eut dans le midi de la France, dans les vallées des Pyrénées, dans les Alpes, on les appelait escartons, dans le Briançonnois, et aussi dans le Nord, en Picardie, dans le Ponthieu, en Artois et en Flandre, le Franc de Bruges, les quatre métiers sur le domaine de Saint-Bavon-de-Gand, les Derzels, le pays de Vasse. La plus connue est celle du Laonnois, formée de 17 villages dont le centre politique était Anisy-le-Château, qui reçut en 1128 la charte de Laon, dite institution de paix. Quel fut le résultat de cet universel effort, parfois éorique, souvent prolongé, tenté par les communautés de tous rangs, petites et grandes, pour se soustraire à l'exploitation arbitraire dont elles étaient victimes. Fin de la section 40, enregistrée par Margot.